بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنواصل دراستنا في كتاب التوحيد سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، donc on continue inchallah sur l'explication du livre de l'unicité. Et donc dans le dernier cours, dans la dernière allocution, on avait commencé l'étude d'un nouveau chapitre. Donc c'est le chapitre concernant la parole d'Allah Jalla wa Ala, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ. C'est le verset donc 65 de la sourate Al-An'am, la sourate des bestiaux. Donc on a dit que l'auteur du livre, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, en guise d'intitulé à ce chapitre, il a évoqué le verset 65 de la sourate Al-An'am, وَهُوَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ. Dit, c'est lui qui est Al-Qadir. Celui qui a la capacité, le pouvoir absolu. Celui qui est capable de toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on pourra traduire aussi d'une manière approximative et rapprochée, l'omnipotent, si vous voulez. Et donc, l'imam al-Bukhari, comme on l'avait dit dans la dernière assise, a mentionné en guise d'intitulé ce verset, et ensuite il va citer le hadith de Jabir ibn Abdillah, du célèbre compagnon, Jabir ibn Abdillah, concernant la prière de la consultation. Donc hier, on avait commencé l'étude concernant cette prière qu'on appelle Salat al-Istikhara. Salat al-Istikhara, la prière de la consultation. Donc on avait dit que dans un premier temps, l'imam al-Bukhari ne mentionne le verset qu'il a cité du fait qu'il y a la mention de l'un des noms d'Allah parmi ses noms sublimes. Allah Jalla wa'ala est là. Ce nom qui est Al-Qadir. Donc Allah se nomme, hein, et on peut l'appeler et le nommer et l'invoquer par ce nom qui est Al-Qadir. Al-Qadir. Et donc Al-Qadir fait partie des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce nom-là sous-entend l'attribut de ce qu'on appelle Al-Qudra. L'attribut de Al-Qudra. L'attribut de, du pouvoir, de la puissance, de la capacité, si vous voulez. Et donc c'est pour cela que dans ce chapitre, avec l'étude de ce chapitre, on a parlé de Qudrat Allah subhanahu wa ta'ala. On a parlé de la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, du pouvoir absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala et du fait qu'il est celui qui détient cet attribut. Sifat al-Qudra, ce qu'on appelle Sifatul Qudra. On a appris hier aussi que dans le Coran, on peut retrouver aussi qu'il y a deux autres noms parmi les noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les noms sublimes, qui dénotent aussi le pouvoir absolu d'Allah et la capacité totale. Qu'Allah Jalla wa Ala a le pouvoir absolu sur toute chose, subhanahu wa ta'ala. On a dit c'était Al-Qadir ou Al-Muqtadir. Donc il y a deux autres noms dans le Coran qui dénotent aussi le pouvoir absolu d'Allah Jalla wa Ala, comme le dénote le nom Al-Qadir. Donc on a Al-Qadir et Al-Muqtadir, comme on l'avait expliqué dans la dernière allocution. Et si on a compris cela ensuite, alors l'imam al-Bukhari, c'est là qu'il mentionne, après avoir mentionné ce verset, et nous, si on a compris cela ensuite, le sens du verset, donc on peut passer à l'étude du hadith, justement, qu'a mentionné, qu'a évoqué l'imam al-Bukhari dans ce chapitre. Donc il mentionne, comme on l'a dit précédemment, le hadith de Jabir ibn Abdillah. Et dans ce hadith de Jabir ibn Abdillah, on a dit qu'il y a la prière de consultation qui est relatée. Donc Jabir nous informe que le prophète sallam enseignait à ses compagnons une prière qu'on appelle la prière de consultation. Et on avait expliqué le sens de cela dans la dernière allocution en disant que lorsque la personne a un choix à faire, donc il peut consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque on doute sur le choix, on ne sait pas, on est un peu dans la confusion, donc on a le choix par exemple entre deux choses, alors si on ne sait pas quel est le choix, le bon choix à faire, alors on peut faire cette prière de consultation. Et tellement que cette prière était importante, et d'où l'importance de cette prière aussi, le prophète Hassan l'enseignait, cette manière de consulter Allah, cette manière de l'invoquer en guise de consultation, et bien le prophète Hassan l'enseignait à ses compagnons comme il leur enseignait des sourates du Coran. Et ça, c'est très important. Et ça, ça dénote l'importance de cette prière de consultation. Donc, dans n'importe quelle circonstance, en n'importe quel instant et moment, en n'importe quelle situation, le croyant peut consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si la personne a un choix à faire et il est indécis, il ne sait pas, il est dans une sorte de confusion, alors il consulte son Seigneur et Allah Jalla wa Ala lui fera voir ce qui est meilleur ou lui destinera ce qui est meilleur pour lui. Donc comment la réaliser, comment l'accomplir cette prière de consultation? Le prophète sallam donc nous enseigne de faire 2 rakat, 2 unités de prière, ensuite de dire cette formule, ensuite de dire cette formule. Ensuite à quel moment on va la dire, ça on va l'expliquer dans ce qui va suivre inchallah en détail. Al-Muhim, l'important ici pour le moment, c'est de comprendre qu'on doit faire 2 unités de prière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enseignait à ses compagnons. Ensuite, dire cette formule, « Oh Allah, par ta connaissance, je te consulte et par ton pouvoir, je t'implore de m'accorder la capacité d'accomplir mes desseins », avait dit entre guillemets, « et je te demande de m'octroyer une part de ta grâce immense. Tu es certes capable, je suis incapable. » Gardez, tu es certes capable, alors que moi je suis incapable. Tu sais tout, tandis que moi, je ne sais pas. Et c'est toi qui connais parfaitement les choses invisibles. Oh Allah, si tu sais que cette chose, et à ce moment-là, lorsqu'on dit « Oh Allah, si tu sais que cette chose », le prophète nous dit de nommer la chose. Donc la chose qu'on désire faire, pour laquelle on consulte Allah subhanahu wa ta'ala, on la nomme. On la nomme, ensuite on dit « Si tu sais que c'est une source de bien pour moi, dans ma religion, dans ma vie présente et ici-bas, et dans l'au-delà, destine-la moi et facilite-la moi, puis bénis-la pour moi. Et si tu sais que cette chose est pour moi une source de mal, dans ma religion, dans ma vie présente et dans ma vie future, alors détourne-la de moi et détourne-moi d'elle et prédestine-moi le bien là où qu'il se trouve. » Donc vous avez vu, on demande à Allah qu'il nous prédestine le bien là où qu'il se trouve. Et on conclut en disant, puis fais que je me satisfasse de cette décision. Voilà comment on fait la prière de consultation. Donc c'est de cette manière qu'elle se fait. Donc on fait 2 unités de prière et ensuite on récite cette formule. Et de cette manière, on a consulté Allah subhanahu wa ta'ala et donc on a accompli une grande adoration. Puisque Allah jalla wa ala agrée cela, c'est-à-dire Allah agrée le fait qu'on le consulte, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, regardons mieux en détail la formule. La formule qu'on prononce alors pour consulter Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc là, je vous l'ai traduite en français. Donc on a vu un peu les sens hein, en français. Maintenant, regardons mieux en arabe les termes qui sont mentionnés. Et cette formule que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enseigner à ses compagnons. Et donc cela est valable pour toute la nation, pour toutes les générations des musulmans. Alors le prophète sallam nous dit que lorsqu'on veut le consulter, on dit cela. On dit Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Donc vous avez vu, on commence en disant astakhiruka bi'ilmik. Je astakhiruka dans le sens je te consulte par ta science, par ton savoir. En quelque sorte, on pourrait traduire « Oh Allah, par ta connaissance, je te consulte. » Donc là, on consulte Allah, subhanahu wa ta'ala, tout en sachant qu'Allah, jalla wa ala, il est en quelque sorte l'omniscient. Allah est celui qui est al-alim. Et donc, on consulte Allah bi-ilmihi. Allah, jalla wa ala, est celui qui détient la science infinie. Et donc, c'est lui qui a la connaissance de tout. Allah embrasse tout, son savoir embrasse tout. Allah embrasse tout de sa science. Il cerne tout, subhanahu wa ta'ala. Sa science embrasse toute chose, comme sa miséricorde embrasse toute chose, subhanahu wa ta'ala. Et donc, rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Et de son, et de ce fait, c'est lui dont on consulte. Et donc, on lui dit, Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika. Ô Seigneur, je te consulte par ta science. Vous avez vu, c'est important, et ça, on l'avait étudié, sifat al-ilm, l'attribut de la science, car Allah Jalla wa'ala est celui qui détient la science infinie, subhanahu wa ta'ala. Et donc, cela nous mène à l'invoquer, et donc, parmi ces invocations-là, à le consulter. Et regardez bien, remarquez bien, après qu'on ait dit « Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik », je te consulte par ta science. Ensuite, on dit « Astaghfiruk biqudratik ». Et je t'implore par ton pouvoir, par ta capacité, si vous voulez. Donc, regardez, on a le terme. C'est pour cela que si on observe mieux et minutieusement les termes qu'on utilise, qu'on emploie, qui sont employés dans cette formule, on va mieux comprendre. Regardez en arabe. Astaghfiruk biqudratika. Donc là, en quelque sorte, c'est je t'implore par littéralement ta qudra, par ton pouvoir absolu, par ta capacité. Et donc, vous avez vu, c'est le sujet du chapitre. Donc, dans un premier temps, on a le lien ici. Le lien, la convenance, pourquoi l'auteur a mentionné ce hadith, il a mentionné la prière de la consultation dans ce chapitre. Le lien est clair et évident, et c'est très judicieux de la part de l'auteur, du fait qu'on voit qu'il y a allusion au pouvoir absolu d'Allah, à la capacité d'Allah, Jalla wa Ala, ce qu'on appelle l'attribut de Al-Qudra, Sifat Al-Qudra. Donc on voit bien que dans ce chapitre, on étudie Sifat Al-Qudra. Et donc dans ce hadith, il y a la mention de Al-Qudra. Et là, on voit que le lien entre le récit et le chapitre est clair. Et donc, il est évident. Et de ce fait, lorsqu'on invoque Allah Jalla wa'ala et on lui demande, hein, lorsqu'on fait la prière de consultation, on dit « Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik » Et donc, je recherche, je t'implore par ta qudra. Et là, l'auteur du commentaire, Cheikh Ibn Uthaymeen, va souligner une précision, il va faire une précision, il va préciser quelque chose qui est très important. Et c'est vraiment un enseignement qui est vraiment subtil et minutieux. Il dit, lorsque il nous est enseigné dans la formule de consultation, de dire « Astaghfiruk biqudratika » au Seigneur, je t'implore par ton pouvoir absolu. « Al-Bukhari rahimahullah indahu fahmun amiq »« Atta bihadith al-istikhara » ليبين أن أسماء الله عز وجل متضمنة لما تدل عليه من المعاني والصفات لأن الباب باب القادر قادر اسم فاعل وحديث الاستخارة فيه قدرة ليبين أن أسماء الله متضمنة للصفة ليست أسماء جامدة ليست أسماء جامدة لا تحمل معنى بل هي أسماء مشتقة تحمل المعنى الذي اشتقت منه وهي القدرة فإذا نتعلم من خلال هذا الكلام النفيس كلام جميل يقول أن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث لتبيين أن أسماء الله ليبين أن أسماء الله متضمنة للصفة ليست أسماء جامدة بمعنى ليست أسماء لا تحمل معنى بل هي أسماء مشتقة تحمل المعنى الذي اشتقت منه وهي القدرة وكذلك يعلم أصحابه الاستخارة فقيل في الحديث أنه كان يعلم أصحابه الاستخارة يعني طلب خير الأمرين استخرت طلب منه خير الأمرين إلى regardez. Je vais vous traduire ici ce point minutieux que mentionne l'auteur du commentaire, Cheikh Ibn Uthaymeen. Il dit, là on se rend compte vraiment de la compréhension profonde et de la connaissance profonde de l'auteur, l'imam al-Bukhari. Et là vraiment, c'est ce qu'il appelle en arabe « fahmun amiq ». il nomme cela comme ça, Fahmun Amir, c'est-à-dire vraiment là, on se rend compte de la compréhension et de la connaissance profonde de l'auteur. Pourquoi ? Parce que hadal hadith, parce que dans ce hadith, on voit, c'est-à-dire dans le hadith de la prière de la consultation, on voit qu'il y a la mention de l'attribut de Al-Qudra. Al-Qudra. Estaqdiruka biqudrati, comme on a dit précédemment. Et donc on comprend de cela, premièrement, le lien qu'il y a, comme on l'a dit précédemment, entre le hadith, le récit et le chapitre, mais aussi l'imam al-Bukhari sous-entend un enseignement important. C'est comme si qu'il veut enseigner au lecteur, il veut sous-entendre et il fait allusion en quelque sorte à un enseignement qui est très important. Quel est cet enseignement ? Cet enseignement et ce point très important, c'est le fait que chaque nom sublime d'Allah, subhanahu wa ta'ala, chaque nom divin dénote et sous-entend un attribut. Chaque nom divin d'Allah, Jalla wa Ala, dénote et sous-entend un attribut de perfection. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'Allah, Jalla wa Ala, parmi ses noms sublimes, Allah il est Al-Alim, qu'Allah il est l'omniscient. Cela sous-entend et dénote l'attribut de la science, cette science qui est parfaite et infinie. Et cet attribut est aucunement comparable aux attributs des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, Jalla wa Ala, il est unique, et rien ne peut se comparer à lui, et rien n'est semblable à lui, subhanahu wa ta'ala. Et cette règle-là s'applique, comme on l'a dit précédemment, et dans les autres allocutions, pour tous ses attributs. Donc aussi, lorsqu'on apprend qu'Allah, il est le miséricordieux, parmi ses noms sublimes, Allah, il est le tout miséricordieux et le clément, Ar-Rahman. Cela sous-entend qu'il possède donc l'attribut de la miséricorde. Donc Allah, Jalla wa Ala, il s'appelle le tout miséricordieux et cela sous-entend et dénote qu'il détient l'attribut de la miséricorde. Lorsqu'on dit qu'Allah, Jalla wa Ala, il est Al-Qadir, il est celui qui détient le pouvoir absolu, donc son nom Al-Qadir, cela sous-entend et dénote qu'il détient l'attribut de la capacité du pouvoir absolu. Lorsqu'on dit qu'Allah, Jalla wa Ala, ou Al-Ghafur, par exemple, qu'Allah parmi ses noms sublimes, parmi les noms divins, le grand pardonneur, qu'Allah est le grand pardonneur, cela sous-entend qu'Allah détient l'attribut du pardon, l'attribut de Al-Maghfira, l'attribut du pardon. Donc ça, c'est des exemples. Donc vous pouvez remarquer et constater à travers ces exemples que chaque nom divin dénote un attribut. Et des exemples, on peut en donner beaucoup. Regardez, par exemple, on avait étudié un nom parmi les noms sublimes d'Allah, le fait qu'Allah, Jalla wa Ala, ou Al-Aziz, parmi les noms d'Allah, Al-Aziz, on avait dit le Tout-Puissant. Et donc, ça dénote et ça sous-entend l'attribut de Al-Izza, Sifatu Al-Izza, l'attribut de la puissance. Par exemple, on avait appris qu'Allah, Jalla wa Ala, parmi ses noms sublimes, ou Al-Hakim. Pour cela, dans maintes versets, Allah, Jalla wa Ala, nous dit wa huwa Al-Alim, Al-Hakim, wa huwa al-hakim ou wa huwa al-aziz al-hakim, par exemple. Wa huwa al-alim al-hakim, wa huwa al-aziz al-hakim. On avait appris aussi parmi ces noms sublimes, al-hakim, le sage. Donc ça, ce nom sublime et divin dénote l'attribut de la sagesse. On avait dit cette sagesse infinie. Et pour cela, on comprend à travers la mention du verset qu'a mentionné l'auteur, l'imam al-Bukhari, et ce hadith-là, que les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les noms divins, renferment des attributs et sous-entendent et dénotent des attributs. De ce fait, l'auteur du commentaire, Cheikh Ibn Uthaymeen, nous dit que les noms d'Allah, Jalla wa Ala, ce ne sont pas des noms comme ça qui n'ont aucun sens. Comme pourraient le comprendre certains. Il ne faut pas comprendre cela. Les noms d'Allah ont des sens. Et c'est ça qu'on est en train d'étudier à travers l'étude de ces chapitres et à travers l'étude du livre de l'unicité de l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari. C'est ce qu'il faut retenir de cet enseignement, qui est subtil, que sous-entend ici et dont fait allusion l'imam al-Bukhari, comme l'explique Cheikh Mohammed ibn Salih al-Athaymin, c'est que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ont des sens. Il y a des sens même subtils. Et donc c'est pour cela que les noms d'Allah dénotent des attributs. Et donc ce ne sont pas des noms dénués et exemptes de tout sens. Au contraire, les noms d'Allah Jalla wa'ala ont des sens. Et d'ailleurs, Allah Jalla wa'ala nous les enseigne pour qu'on puisse les connaître et donc les comprendre. Et donc comprendre les sens que sous-entendent ces noms, les noms sublimes et magnifiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de comprendre ces sens, les sens des noms d'Allah, Jalla wa'ala, c'est ça qui va nous mener à le craindre et à reconnaître sa suprématie, à reconnaître sa souveraineté, à reconnaître sa puissance et son pouvoir absolu, subhanahu wa ta'ala. Et reconnaître donc la grandeur et l'immensité de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc ce qu'il faut retenir ici, l'enseignement que sous-entend l'auteur du commentaire, c'est vraiment très important, que chaque nom divin, donc, ont des sens. Il y a des sens. Ce ne sont pas des noms qu'on appelle en arabe jamida. Jamida, ce sont des choses, c'est des éléments solides qui n'ont pas de sens, qui sont exempts et dénués de tout sens. Bien au contraire, Allah Jalla wa'ala, ce ne sont pas des esma, comment dire en arabe, jamida. Mais c'est plutôt des noms mushtaqqa tahmil al-ma'na alladhi ushtaqqat minhu. Mais c'est plutôt des noms qui renferment des sens et qui sous-entendent et dénotent des sens qui sont immenses. Et la preuve à cela, maintenant pour résumer, la preuve à cela, c'est le hadith de la prière de la consultation. On voit que dans ce hadith renferme la mention de l'attribut de Al-Qudra. Et l'auteur nous a mentionné dans le verset le nom d'Al-Qadir. Cela sous-entend que le nom Al-Qadir dénote et sous-entend l'attribut de Al-Qudra. Donc vous avez vu, c'était une précision qui était vraiment très importante. Et de là, on remarque bien que vraiment les invocations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, renferment vraiment des sens et des enseignements riches. De ce fait, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui connaissait mieux Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est le plus à même d'invoquer Allah et celui qui connaît mieux la manière d'invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que à chaque fois qu'on étudie, par exemple, les invocations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on voit que dans ces invocations-là, il y a des enseignements riches et dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invoquait Allah d'une manière qui était la meilleure des manières. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui connaît le mieux son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc il est mieux à même de l'invoquer. Et c'est pour cette raison que les musulmans doivent suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en cela. Ils ont, dans la manière d'invoquer Allah, Jalla wa'ala, en la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des exemples. C'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des exemples. Et en l'occurrence, dans la manière d'invoquer aussi. Dans la manière d'invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, et d'implorer Allah, le prophète était le meilleur exemple. C'est pour ça qu'il est important de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa manière d'invoquer et de bien méditer les formules qu'utilisait et qu'enseignait le prophète ensemble pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit que cette prière de consultation, on l'a fait lorsque, premièrement, on l'a fait que lorsque on est indécis, lorsqu'on est confus, on a un choix à faire. Donc on hésite entre deux choses, faire soit cela, soit cela. Donc choisir entre cela ou bien cela. Donc lorsque la personne elle est indécise, lorsque la personne a un choix à faire, donc elle invoque Allah Jalla wa'ala par cette invocation, c'est-à-dire par ce qu'on appelle Salat al-Istikhara, la prière de consultation. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam aussi il dit « Fil umuri kulliha » et cela en toute chose. En toute chose. « Hada ammun yuradu bil khas » et ça c'est vraiment une parole générale. Une parole qui est générale mais qui sous-entend quelque chose de particulier. C'est-à-dire que ce qui est voulu ici, ce sont toutes ces choses qui peuvent être confuses pour la personne, c'est-à-dire ces choses dont la personne veut savoir. Il recherche véritablement et réellement est-ce que ces choses sont bonnes pour lui, pour sa vie d'ici-bas, pour sa vie dans l'au-delà. Est-ce que ces choses sont dans son intérêt ou non. Et donc, de ce fait, il a besoin de consulter Allah. Et là, Shir nous dit alors, l'auteur du commentaire, « Amma ma la yushkil falahajata l'istikhara fi » Et donc, on comprend de cela, pourquoi on insiste sur cela. Les choses dont il n'y a pas de problématique, hein, les choses dont on n'a pas d'hésitation, on n'est pas dans la confusion, alors il n'y a pas besoin de consulter pour cela. Mais la consultation se fait donc pour des choses dont on veut savoir est-ce qu'elles sont réellement bonnes, est-ce qu'elles vont réellement dans notre intérêt pour notre vie d'ici-bas et pour notre au-delà. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses dont la personne il est déterminée. Donc lorsque la personne, par exemple, il est sûr, il est déterminé, il n'est pas confus, alors là, il n'a pas besoin de consulter. Par exemple, je vais vous donner un exemple et pour bien qu'on puisse comprendre cela, l'auteur, Cheikh Ibn Uthaymeen, nous donne un exemple. Il dit « وَلِهَدَ لَوْ أَرَادَ الْإِنسَانَ أَنْ يُسَافِرَ لِزِيَارَةِ قَرِيبٍ أَوْ لِتِجَارَةٍ وَهُوَ عَازِمٍ فَإِنَّهُ لَا حَجَتَ لِلْإِسْتِخَارَ » Pourquoi ? Il dit par exemple, une personne qui est déterminée, il a envie d'aller visiter un proche, donc il va voyager. Il doit voyager, il doit entreprendre un voyage pour visiter un proche. Donc il le fait avec l'intention de visiter quelqu'un qui lui est cher, quelqu'un qui lui est proche. Ou bien, il est déterminé à acheter quelque chose, à faire un commerce. Il en est déterminé et il sait ce qu'il veut faire. Dans ce moment-là, il n'a pas besoin de consulter. Il n'a pas besoin de faire l'istikhara. Pourquoi ? Parce que là, il n'est pas hésitant, il n'est pas dans la confusion. Et par exemple, ici, il a décidé, il est déterminé de vouloir visiter un proche, donc faire un voyage. Donc, il n'a pas besoin de faire l'istikhara concernant cela. فَإِنَّهُ لَا حَجَتَ لِلْإِسْتِخَارَ وَإِلَّا لَقُلْنَا إِنَّ الْإِنسَانِ يُصَلِّ دَائِمًا صَلَاتِ الْإِسْتِخَارَ لِأَنَّ الْإِنسَانَ حَارِثٌ وَهَمَّامٌ. Et pourquoi Shir donne cet exemple ? Il dit pourquoi ? Il faut savoir qu'il y a des choses qui nécessitent la prière de consultation et donc il y a d'autres affaires qui ne nécessitent pas la prière de consultation. Pourquoi ? Parce que Shir nous explique ici. Si on dit à cette personne de faire la prière de consultation, alors ça voudrait dire que la personne ferait constamment des prières de consultation. Pourquoi ? Parce que l'individu, il est constamment dans l'intention de faire des choses. Donc, en permanence, la personne, elle a l'intention de faire des choses. Et elle veut faire des choses. Donc, et elle veut entreprendre des choses. Donc, si à chaque fois qu'elle a l'intention de faire des choses, on lui dit qu'il faut consulter, donc ça voudrait dire qu'elle ferait la prière de consultation d'une manière permanente, et elle ferait cela d'une manière constante. Constamment, elle consulterait. Alors que ce qui est voulu dans la prière de consultation, c'est lorsqu'on est hésitant, lorsqu'on est indécis, lorsqu'on est dans la confusion, lorsqu'on ne sait pas entre choisir ça ou ça, ou lorsqu'on ne sait pas est-ce qu'on doit entreprendre telle ou telle chose ou non. À ce moment-là, là, on consulte. Mais par exemple, une personne, il est déterminé, il est résolu, il veut visiter un proche, par exemple, faire un voyage, et donc il va entreprendre ce voyage pour visiter une personne qui lui est chère. S'il est résolu, il est décidé, donc là, il entreprend son voyage. Par contre, dans les affaires où qu'on est dans une confusion, comme on l'a dit précédemment, là, on consulte Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on a pu comprendre donc la parole de Shir Uthaymeen lorsqu'il dit, lorsque dans le hadith, il dit fil umuri kulliha. Lorsque Shir Uthaymeen dit dans le récit, il dit dans toutes les affaires, dans toutes les affaires. Donc il dit que c'est une parole générale, mais dont un élément particulier est visé. Regardez lorsqu'il dit hada amun yuradu bihi al-khass. Donc c'est une parole générale, mais ce qui est voulu, c'est une affaire particulière. C'est un élément particulier. Donc, regardez, fil umuri kulliha, dans toutes les affaires. Dans le sens, dans toutes les affaires dont on a un doute, dont on est hésitant. Limada, liana daiman yuhim fil umur. Yahim fil umur. Lekin al murad bidharik al umur allati la yatabayan il insani wajhuha. Fayatahayyar. Wahina idhin la malja'alahu illallah azza wa jal. Donc, il stipule bien, Shir. Il va réappuyer ce fait-là en disant c'est vraiment dans des choses dont le bien n'apparaît point. Rien n'apparaît. Donc alors on n'a pas le choix que de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous est dit dans le récit aussi, كما يعلمهم السورة من القرآن. Et donc le prophète a enseigné cette invocation comme il enseignait les sourates du Coran. Et là, ça insiste vraiment sur l'importance de cette prière de consultation. Regardez par exemple, le prophète sallam enseignait at-tashahhud, la manière de faire at-tashahhud dans la prière. Vous avez vu, ces invocations, elles sont tellement importantes que le prophète sallam leur enseignait, comme aussi leur enseignait les sourates du Coran. وَهَذَا الدُّعَى وَالثَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَدِيلًا لِمَا كَانَ يُسْمَعْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَالْجَاهِلِيَّةِ يَسْتَقْسِمُونَ بِالْأَزْلَامِ. Et là, maintenant, Cheikh va souligner un point important, quelque chose de très important à comprendre. Cet élément important, c'est de savoir, comme on l'a dit, donc le prophète, sallam, le compagnon disait, Jabir ibn Abdillah, qu'il leur enseignait cette consultation, cette manière de consulter, comme il leur enseignait les sourates du Coran. Et si vous voulez bien comprendre ce passage, hein, et vous voulez bien comprendre la sagesse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans son enseignement, et son appel à cette consultation, alors il faut revenir au temps de l'Jahiliya. Et comme on avait dit dans des allocutions précédentes, on a dit pour bien comprendre le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour bien comprendre la sunna, pour bien comprendre l'islam, pour bien comprendre de manière générale le message de l'islam et cette religion, il faut revenir toujours au contexte. Il faut bien comprendre le contexte de l'époque de l'Jahiliya, de l'époque pré-islamique et des pratiques qui étaient propagées et diffusées dans la société à l'époque, et surtout dans la péninsule arabique et d'une manière plus particulière à la Mecque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les Arabes du temps pré-islamique, les polythéistes arabes, avaient une manière de consulter lorsqu'ils voulaient entreprendre des choses. Donc eux, ils avaient une manière de faire. Et ils avaient ce qu'ils appellent Al-Azlam. Et Al-Azlam est mentionné dans le verset du Coran, dans le Coran, Al-Azlam est évoqué. Donc Al-Azlam faisait partie des pratiques du temps pré-islamique. Donc les polythéistes arabes, il était connu à l'époque qu'ils s'adonnaient à cette pratique lorsqu'ils avaient un choix à faire. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient lorsque, par exemple, ils voulaient entreprendre une chose? Ils consultaient Al-Azlam, tout simplement. Ils consultaient Al-Azlam. Al-Azlam, c'était des sortes de baguettes ou de flèches qu'ils sortaient d'un carquois, par exemple. Donc c'était en quelque sorte des flèches qu'ils pouvaient sortir d'un carquois ou des baguettes. Et il y avait une inscription. Vous alliez retrouver, ils retrouvaient sur ces baguettes-là, il y avait une inscription. Et donc, ils les tiraient. Et selon l'inscription qu'il y avait sur ces baguettes, alors ils entreprenaient leurs entreprises ou leurs projets, ou bien ils s'abstenaient. Donc on voit bien qu'en d'autres termes, eux, ils ne consultaient pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que les polythéistes arabes, au temps pré-islamique, ils ne consultaient pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plutôt, ils consultaient ces sortes de azlam, ces sortes de baguettes. Donc ils sortaient ces baguettes-là, hein. Parfois c'était... comme le dit Cheikh Ibn Uthaymeen, c'était des sortes de aqdah, tout dire al-fikis, ils étaient dans un sac. Ensuite, il les sort, et sur ces baguettes, il y avait une mention. Alors, une, il y avait écrit, par exemple, if'al. Une deuxième, il y avait inscrit, la taf'al, ne fais pas. Et la troisième, laysa fi kitaba, il n'y avait rien d'inscrit. Donc, parfois, il sortait une baguette. Il y avait inscrit, fais. Dans une deuxième baguette, ne fais pas. Et dans une troisième baguette, c'était une sorte de baguette neutre, il n'y avait rien d'inscrit. Donc il n'y avait pas la mention fait ou bien ne fais pas. Il n'y avait rien d'inscrit. Ensuite, il procédait à une sorte de tirage au sort. Ensuite, ce qu'il faisait, il procédait à une sorte de tirage au sort. Il tirait. Et si c'était la baguette où il y avait la mention et l'inscription fait, qui sort, alors il va faire ce qu'il désirait faire. S'il avait un projet, s'il avait quelque chose dont il hésitait, eh bien il va le faire. Si par contre c'est plutôt la baguette où il y avait la mention « ne fais pas » qui était tirée, il y avait la mention « non », alors il ne va pas faire son projet. Il va s'abstenir d'entreprendre ce projet. Par contre, s'il sort la baguette où il n'y a rien d'inscrit, la baguette qu'on va appeler « neutre », à laquelle les gens se référaient pour tout ce qu'ils voulaient entreprendre, alors là, il va être neutre et là, il va être indécis. Donc ces baguettes-là, les gens s'en référaient pour tout ce qu'ils voulaient entreprendre. Eux ne consultaient pas Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit précédemment. Lorsqu'ils voulaient entreprendre une chose, ils faisaient de cette manière et donc ils consultaient des sortes de azlam, ces azlam-là. Et donc, comme on l'a dit, si dans cet azlam, il y a écrit oui, ils vont accomplir, ils vont faire l'action. S'il y a écrit non, la tefral ne fait pas, ils vont pas le faire. Et si c'est neutre, alors ils vont, refaire. Ils vont refaire ici, c'est-à-dire recommencer l'opération. Recommencer l'opération pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'ils le font ou bien est-ce qu'ils le font pas. De ce fait, si on a compris cela, qu'à l'époque de l'Jahiliya, pré-islamique, les polythéistes arabes consultaient de cette manière, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui ensuite, a enseigné à ses compagnons que lorsqu'ils veulent consulter, qu'ils consultent Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas tout, le prophète leur a enseigné cette immense formule, cette immense invocation pour consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en quelque sorte, le prophète leur a donné ce qu'on appelle al-badil. Lorsque dans le Coran, il était interdit, puisque cette pratique-là, elle est interdite dans le Coran. Allah, dans le verset, lorsqu'il a mentionné l'interdiction de al-maïsir, de tout ce qui rentre dans le hasard, hein, lorsqu'il y a eu l'interdiction des jeux de hasard, il y a eu l'interdiction aussi de ce qu'on appelle l'azlam. Et l'azlam, ça se traduit par cette pratique-là. Et donc, de ce fait, lui, le prophète, sallam, nous a enseigné cette manière de consulter. Alors, eux, à titre d'exemple, s'ils voulaient, par exemple, entreprendre un voyage, ou s'ils voulaient se marier, ou autre chose, ils étaient hésitants sur cela, alors ils consultaient leurs baguettes. Ils consultaient ce qu'on appelle l'azlam. Donc, s'ils devaient se marier, s'ils tiraient au sort une des baguettes, il y avait écrit « fait », alors ils le faisaient. Si, par exemple, il va tirer la baguette ou il y écrit, il est inscrit « ne fait pas », alors il va s'abstenir de ce mariage. Si c'est neutre, il va réitérer là l'opération. Et donc, on a dit que le prophète, ensemble, nous a enseigné la meilleure des manières. Il nous a enseigné de revenir directement à Allah, subhanahu wa ta'ala, à celui qui a le pouvoir de répondre à ses serviteurs, celui qui dont rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Tandis que ces baguettes, al-azlam, ces sortes de flèches, elles ne peuvent ni nuire, ni profiter. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'au temps pré-islamique, les gens étaient très superstitieux. Les gens étaient vraiment très superstitieux. Et l'islam a aboli cela. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est superstition et lorsqu'on se remet, par exemple, à des formes de azlam, à des formes de baguettes, de flèches, à ce moment-là, on est sous la servitude de ces superstitions-là. Et donc, on est prisonnier. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui sont prisonniers de leurs superstitions, qui sont prisonniers de traditions, qui sont prisonniers de certaines convictions, certaines croyances qui n'ont aucun fondement. Et c'est pour ça que l'islam est venu nous libérer. Et l'islam, comme on l'a dit précédemment, c'est une libération de ces fausses servitudes, le fait d'être sous la servitude de ces choses imaginaires. C'est pour cela que le musulman, lui, n'est pas superstitieux. Regardez, parmi les pratiques des Arabes, on avait dit le mauvais augure et les mauvais présages, le fait qu'ils accordaient énormément... Il y avait une grande place dans leurs croyances en ce qui concerne les mauvais augures, les mauvais présages. Et pour eux, par exemple, juste la trajectoire des oiseaux, par exemple, lorsqu'ils sortaient le matin, juste la trajectoire des oiseaux, si les oiseaux ils allaient vers l'ouest ou bien vers l'est, juste leur direction et les trajets des oiseaux, et ben pour eux, c'était des signes de malheur ou de bonheur. C'est-à-dire que s'ils allaient dans une telle direction, pour eux c'était signe de malheur, alors ils n'entreprenaient pas ce qu'ils avaient l'intention d'entreprendre en cette journée. Et si par contre ils prenaient une autre direction, c'était un signe de bonheur, c'était un bon signe, c'était positif, alors ils allaient entreprendre ce qu'ils devaient entreprendre comme projet. Donc vous avez vu, ils étaient beaucoup superstitieux. Et donc l'islam est venu nous libérer de toutes ces formes de superstition. Et ainsi, lorsqu'on connaît ça, lorsqu'on a la connaissance de ces différentes pratiques, qui était propagé à l'époque dans les sociétés, dans la péninsule arabique, par exemple, au temps pré-islamique, fi zaman al-jahiliya, eh ben, ça nous aide à mieux comprendre, par exemple, certains interdits qu'il y a dans le Coran, ou certains interdits qu'il y a dans la sunna du prophète, des interdits qu'interdisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple. Ça nous aide à mieux comprendre. Et ça nous aide à mieux comprendre et à connaître les fausses pratiques, les pratiques païennes, et ces pratiques que s'adonnaient, hein, que pratiquaient les polythéistes à l'époque, qui étaient vils, qui étaient sans but, qui étaient sans intérêt. Et regardez aussi, par exemple, lorsqu'on a parlé d'Al-Azlam, hein, ces sortes de baguettes, Cheikh Al-Uthaymeen rajoute une précision. Il dit, lorsqu'il y avait cette baguette qui était neutre, qui était tirée au sort, la neutre, on a dit que, alors ils allaient réitérer leur opération. Cheikh Al-Uthaymeen lui va rajouter un point important. Il dit, فَإِمَّا أَنْ يُعِيدَ الْإِسْتِقْسَامِ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ يَدَعَ الْأَمْرِ مَعَ الشَّكِ أو يدع الأمر مع الشك لكن أيد الله تعالى الناس بهذا الدعاء. Alors, s'ils tombent sur la baguette qui est neutre, soit, comme on l'a dit, ils vont réitérer l'opération, ou bien ils vont s'en abstenir avec le doute. Donc, par doute, ils vont s'en abstenir. Et qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend la différence qu'il y a avec la première, où il y avait la mention « ne fais pas ». Lorsqu'ils vont s'en abstenir, lorsqu'il y a « ne fais pas », pour eux, c'était certain, il ne faut pas la faire. Donc, ils s'abstenaient d'aller plus loin dans leur projet. On avait dit que ce soit un voyage ou bien que ce soit pour le mariage ou autre chose. Alors là, ils vont s'abstenir, mais avec certitude pour eux, il y a une certitude qu'il ne faille pas le faire. Tandis que là, la différence, c'est qu'ils vont s'en abstenir, mais avec un doute. Donc, dans le doute, ils vont s'abstenir. Et donc là, on voit vraiment la miséricorde et le bien de cette religion. On voit vraiment qu'Allah Jalla Wa'ala est le miséricordieux et que cette religion est une miséricorde pour les hommes. Et donc Allah Jalla Wa'ala nous a libérés de cela, a libéré les hommes de cela. Et au lieu de revenir à des choses insignifiantes, des choses viles, sans intérêt, Allah Jalla Wa'ala nous a guidés vers son invocation. Et donc le prophète, ensemble, maintenant on a bien compris, lorsqu'il a enseigné cela à ses compagnons, c'est le fait de les faire revenir à la consultation d'Allah Jalla Wa'ala. Que celui qui doit être consulté, c'est Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Et de cette manière-là. Alors ensuite, dans le récit, il nous est dit, donc on fait deux unités de prière, autres que la prière obligatoire. وَهَلْ يَكْفِي عَنْ هَتَيْنِ الرَّكَعَتَيْنِ الرَّتِبَةِ مَثَلًا أَوْ سُنَّةَ الضُّحَى مَثَلًا يَحْتَمِلْ أَنْ تَكُونَ مُجْزِئًا. Donc on peut faire deux unités de prière, que ce soit une prière ratiba, par exemple, ratib, ces prières qu'on fait après les prières obligatoires, soit avant les prières obligatoires, soit après les prières obligatoires. On peut utiliser ces prières-là et ensuite faire l'invocation. Ou bien une prière surrogatoire d'une manière générale et absolue. D'une manière générale et absolue. Comme une autre prière surrogatoire, par exemple, on peut faire la prière de Ad-Duha. Vous avez vu la prière surrogatoire du matin, de la matinée, ce qu'on appelle la prière Ad-Duha. On peut faire par exemple la prière de Ad-Duha, ensuite faire cette formule. Donc on peut aussi bien utiliser des prières surrogatoires, des prières Ar-Rawatib, ou bien la prière de Ad-Duha, qui est une prière surrogatoire, ou bien la prière par exemple lorsqu'on rentre à la mosquée, on fait les salutations de la mosquée, ce qu'on appelle Tahiyat al-Masjid. On peut ensuite faire cette invocation. Donc vous avez vu, c'est des prières surrogatoires qui sont connues. Comme on peut la faire avec une prière surrogatoire d'une manière absolue. Ni c'est Salat al-Duha de la matinée, ni c'est la prière par exemple de la salutation de la mosquée, ni c'est une prière qui a une cause, par exemple après les ablutions ou autre. C'est une prière surrogatoire de manière absolue. On fait deux unités de prière et ensuite on invoque Allah Jalla Wa'ala. Tant que ce n'est pas une prière obligatoire. Puisque le prophète dans le hadith l'a dit autre que la prière obligatoire. Sauf que certains savants, ils ont dit, lorsqu'on fait une prière surrogatoire, donc, et qu'on veut consulter Allah, il faut mettre l'intention. Par contre, il faut avoir l'intention qu'on veuille consulter Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que lorsqu'on fait cette prière-là, on a l'intention qu'ensuite, on va faire l'invocation de consultation. Ensuite, maintenant, le moment, une question importante, le moment de cette invocation. Et là, c'est une question importante. Donc là, en ce qui concerne le moment, donc le moment où on doit invoquer Allah Jalla Wa'ala, dire cette formule. Donc à quel moment on va formuler cela? Donc le moment, donc c'est une question qui est bien précise, qu'ont mentionné les savants. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si on revient dans le hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la personne qu'il fasse deux unités de prière, autre que la prière obligatoire. Donc regardez bien, dans le récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la personne fasse deux unités de prière, autre que la prière obligatoire. C'est pour cela qu'on a dit que la personne fait deux unités de prière, une prière surrogatoire, c'est-à-dire une prière qui n'est pas obligatoire, que ce soit des prières surrogatoires connues, comme on l'a dit précédemment, en Doha, par exemple, la soirée de la matinée, les deux rakats de la mosquée ou autre. Une prière connue, ça peut sous-entendre ça. Ça peut sous-entendre ça. Donc on peut faire une de ces prières surrogatoires et ensuite invoquer Allah Jalla wa Ala. Le consulter. Tant qu'on a eu l'intention, comme on l'a dit précédemment, de le consulter. Comme aussi ça peut supposer que ça soit une prière indépendante. Ça peut supposer que ça soit une prière indépendante. De ce fait, certains savants disent que par précaution, que ce soit une prière indépendante. Et beaucoup de savants ont dit, du fait que le prophète sallam a dit une prière surrogatoire autre qu'une prière obligatoire, donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de savants qui considèrent qu'on peut la faire, même si c'était une prière surrogatoire connue, comme on l'a dit précédemment pour Ad-Duha, Tahiyat al-Masjid, ou autre. Pourquoi? Tant que c'est pas pour la prière obligatoire, comme on l'a bien stipulé. Et d'autres savants considèrent que, par précaution, on peut faire deux unités de prière indépendantes. Deux unités de prière indépendantes. Et regardez, lui, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, wahwa al-ahwat. Wahwa al-ahwat. Il dit, de cette manière-là, on prend plus de précautions. Ça soit deux unités de prière indépendantes. An yusalliya salatan mustaqilla. C'est ce qu'on appelle une prière mustaqilla. Thumma liyaqul. Et de ce fait, ensuite, maintenant, il dira cette formule. Il va formuler la formule de consultation. Mais quel est le moment précis pour la formuler? Est-ce que c'est dans la prière ou bien après la prière? Donc là, Cheikh va expliquer. Il dit, si on regarde l'apparence du récit, du hadith, ظاهر الحديث أن هذا الدعاء يكون بعد السلام. On déduira que l'invocation se fait après les salutations. لأنه لا يصدق عليه أنه صلى ركعتين حتى يفرغ منهما. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas considérer qu'une personne a fait deux unités de prière jusqu'à ce qu'elle ait fini et accompli ces deux unités de prière. Donc à quel moment qu'on dit une personne il a accompli deux unités de prière au moment où il les a finies. Quand il les a finies, on peut dire qu'il les a accomplies. Pourquoi on insiste sur ce fait? Le fait qu'il les accomplisse, puisque le prophète ça m'a dit qu'il fasse deux unités de prière. C'est-à-dire, qu'il observe, accomplisse deux unités de prière autre que l'obligatoire, la prière obligatoire. Cela veut dire qu'il fasse deux unités de prière. Pour qu'on considère qu'il les a fait, qu'il les a accomplis, alors il faut qu'il ait terminé ces deux unités de prière. De ce fait, c'est pour ça que Cheikh dit l'apparence du récit, on comprend du hadith et de la parole du prophète, sallam, que l'invocation se fait après donc les salutations. Et donc là ensuite, il dit « Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik » Et là, il va commencer les formules, comme on a commencé l'explication il y a quelques instants. Ô Seigneur, je te consulte par ta science, traduction relative, et je t'implore par ton pouvoir absolu ou ta capacité. Et de là, on a pu constater que lui, Cheikh Al-Uthaymeen, donc, considère que le moment précis, le meilleur moment pour la faire, ou le moment où il faille formuler la formule de Istikhara, donc c'est après la prière. Donc après les salutations, donc quand on a fait les deux unités de prière, comme on l'a dit précédemment, que ce soit pour une prière surrogatoire connue, hein, que ce soit pour le doha, même par exemple les deux rakats qu'on fera après le tawaf, par exemple, ou autre, donc ensuite on peut les faire tant que la personne y fait l'attention qu'il fera à l'istikhara. Et on a dit donc c'est après les salutations. Le plus juste, chez beaucoup de savants, ils considèrent que pour sortir de la divergence, c'est que ça se fasse après les salutations. Pourquoi? Parce que c'est ce que dénote l'apparence du récit. Pourquoi? Parce qu'on retrouve l'avis de certains savants. Certains savants disent qu'ils il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas d'interdit. Par exemple, si la personne veut la faire dans la prière, s'ils veulent formuler cela dans la prière. Certains ont dit, par exemple, on peut le faire en soujoud. Certains ont dit que cette formule, elle peut être formulée dans la prosternation. Donc, lorsqu'on est dans la prière et on est en prosternation, on pourrait la formuler à ce moment-là, de la prosternation. Certains savants ont dit avant les salutations, c'est-à-dire à la fin, lorsqu'on est en train de terminer, avant de faire les salutations, on peut dire « al-istikhara ». On peut dire cette prière et formuler la prière de consultation. Et donc, vous avez vu, ça, c'est à l'intérieur de la prière, c'est au sein de la prière. Ça, c'est les avis qui ont été donnés par certains savants. Certains savants considèrent qu'il n'y a pas d'empêchement. Dans le récit, il n'y a rien qui empêche qu'on puisse la faire et la formuler, aussi bien dans la prosternation ou bien à la fin de la prière, c'est-à-dire avant les salutations. Mais beaucoup de savants considèrent que le plus juste, pour sortir de cela et pour rester sur l'apparence du récit, que le plus juste, ça serait après les salutations, c'est-à-dire après la prière. Donc ça, c'est l'avis de beaucoup de savants qui considèrent cela, du fait que le prophète Hassan a dit qu'il accomplisse deux unités de prière autres que l'obligation. Et ça sous-entend que ces deux unités de prière, il les a accomplies. Donc ça, il les a priées. À ce moment-là, il formule et donc il consulte Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a dit précédemment, donc on appelle bien ça une consultation. C'est-à-dire lorsqu'on est hésitant, lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on a un projet à entreprendre et on ne sait pas est-ce qu'on veut mener à bien ce projet ou non. Mais par exemple, les savants disent qu'il est interdit, par exemple, on ne peut pas, par exemple, faire l'istikhara, consulter Allah sur des obligations, par exemple. Par exemple, on ne va pas consulter Allah sur la prière obligatoire. Est-ce qu'on doit faire la prière obligatoire ou non ? On ne va pas, par exemple, faire la prière de consultation, par exemple, pour jeûner. Pour jeûner, par exemple, le mois du Ramadan ou un jeûne prescrit, on ne va pas consulter, faire la prière de consultation, voir est-ce qu'on fait le jeûne ou bien on ne fait pas le jeûne. On ne fait pas de consultation pour les choses obligatoires. Et aussi pour les interdits, par exemple. On ne fait pas de consultation pour des choses interdites, par exemple. Allah Jalla Wala nous a interdit, par exemple, la consommation des boissons alcooliques, de l'alcool, par exemple, des boissons alcoolisées. Là, on ne va pas consulter Allah, est-ce qu'on pourrait boire ou non. Là, on ne fait pas la prière de consultation pour les interdits ou pour les choses déconseillées aussi. Lorsqu'une chose, elle est obligatoire, on la fait. Et là, on n'a pas besoin de consulter puisqu'on est sûr que c'est une obligation. Lorsqu'il y a une chose qui est interdite, on s'abstient. Allah nous a interdit telle et telle chose, on s'abstient. Par exemple, une personne, il voudrait entreprendre une chose, un projet où il y a de l'usure, il y a de l'intérêt. L'intérêt est strictement interdit dans le Coran et dans la tradition du prophète. Donc dans l'islam, l'intérêt est strictement interdit. Là, il ne va pas consulter, faire une prière de consultation pour voir est-ce qu'il pourrait, par exemple, mener à bien ce projet et utiliser alors ses intérêts-là et fructifier son argent avec des intérêts et donc utiliser ce qu'on appelle l'usure. Là, il ne va pas consulter pour ça. Pourquoi ? Parce que c'est interdit d'une manière claire, explicite. Il n'y a point de doute en cela. Donc, vous avez vu, pour les choses obligatoires ou les choses interdites ou déconseillées, par exemple, dans ce cas-là, il n'y a pas de prière de consultation. La prière de consultation, comme on l'a dit précédemment, c'est vraiment pour des choses dont on ne sait pas, on est hésitant. Donc à présent, alhamdoulilah, on a compris la manière. On a compris, premièrement, la manière de la faire. Quand est-ce qu'on peut la faire aussi, le moment où qu'on puisse la faire, et aussi pourquoi il faille la faire. Donc ça, c'est important. Alhamdoulilah, maintenant, on a compris à quel moment on peut la faire, à quel moment il faille la faire et pourquoi il faille la faire aussi. Pourquoi faut-il faire la prière de consultation? Donc maintenant, on peut étudier mieux l'essence de cette invocation. Donc une fois qu'on a fait ces deux unités de prière et on a fait les salutations, donc là, on peut invoquer Allah et dire cette formule-là. Vous avez vu, donc maintenant, on a parlé d'une manière plus précise à quel moment on peut formuler. Donc on a dit une fois qu'on a fini notre prière. Maintenant, une question peut se poser. La femme qui, par exemple, est en période de menstrues, lorsque la femme est indisposée, par exemple. Donc, elle a ses règles, donc elle est dans une période où elle est indisposée, et la femme, par exemple, est indécise, elle a un choix à faire. Donc, elle veut consulter Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'elle a un projet à faire, elle a un projet à mener, ou bien elle est hésitante sur sur une chose, donc elle veut consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, du fait qu'elle ne peut pas prier lorsqu'elle est indisposée, alors est-ce qu'elle devrait attendre la fin de sa période pour ensuite se purifier et donc, lorsqu'elle reprend ses prières, là, elle pourra prier et consulter Allah, ou bien dans cette situation-là, elle a le droit de consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Certains savants, beaucoup de savants, voient qu'elle peut, en période de menstrues, de règles, lorsqu'elle est indisposée, beaucoup de savants considèrent qu'elle peut. Ils considèrent qu'elle peut, pourquoi ? Parce que là, elle est dans une période où elle ne peut pas prier. Donc, elle considère qu'elle pourrait consulter Allah, mais sans prier. Donc, beaucoup de savants considèrent qu'elle peut consulter Allah. Comment est-ce qu'elle le fait ? Eh bien, elle consulte Allah en formulant cette formule-là, mais sans faire les deux rak'at, sans faire les deux unités de prière. Donc, elle s'abstient des deux unités de prière. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle est indisposée. Et est-ce qu'elle fait seulement ? Elle se restreint à faire la formule de istikhara. Donc, elle consulte Allah, Jalla wa Ala, de cette manière. Mais ça, c'est lorsqu'elle est indisposée. Ensuite, lorsqu'elle est point indisposée, elle n'est pas en période de règles. Donc là, la question ne se pose pas. Elle pratique cela comme pour l'homme. Elle fait deux unités de prière. Et ensuite, après les deux unités de prière, elle invoque Allah, Jalla wa Ala, par cette invocation et par cette formule. Par contre, comme on a dit précédemment, si elle est en période de menstrues, là, elle s'abstient de prier, donc elle ne prie pas. Par contre, elle se restreint à lire la formule, à réciter la formule, et donc elle consulte Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière. Et ça, c'est l'avis de beaucoup de savants. Et en l'occurrence, c'est la fatwa de Sheikh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Donc c'est une fatwa célèbre de Sheikh Ibn Baz qui disait que la femme et d'autres savants aussi, comme Sheikh Ibn Baz, considère donc, comme on l'a dit précédemment, que la femme, si elle est pressée, donc si c'est une affaire qui est urgente et pressée, donc elle ne prie pas, parce que là, il y a un accord des savants, que la femme qui est indisposée, elle ne peut pas prier, donc ça, c'est bil ittifaq ou ijma, il y a l'unanimité des savants, que la femme ne peut pas prier jusqu'à ce qu'elle se purifie. Tandis qu'elle peut invoquer, elle peut invoquer. Donc là, certains savants disent que si, et en l'occurrence, comme on a dit précédemment, c'est la fatwa de Sheikh Ibn Baz, que si elle est pressée et l'affaire est urgente, donc dans ce cas-là, elle peut invoquer Allah Jalla wa Ala et se contenter de l'invocation. Et ça sous-entend aussi bien la femme qui est indisposée que, par exemple, la femme qui a du sang qui s'écoule, par exemple, pour cause d'un accouchement. Pour cause d'un accouchement. Comme, par exemple, pour le sang des lochis. Le sang des lochis. Donc la femme qui est en période de nefes, donc elle peut aussi, comme la femme qui est indisposée ou bien la femme qui a accouché et qu'elle a son sang qui coule, donc elle peut se contenter de l'invocation sans prier. Ensuite, maintenant, en ce qui concerne l'essence, donc on a expliqué, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ô Seigneur, je te demande par ton savoir, يعني اطلب خير الامرين بحسب ما تعلم, c'est-à-dire je te demande la meilleure des choses et cela par ton savoir, واستقدرك بقدرتك اطلب منك القدره بقدرتك فهو توسل بالقدره فهو الذي يقدر على الامر. Ensuite on implore Allah Jalla wa Ala par son pouvoir absolu. Ensuite on dit واسالك من فضلك. لأن الإنسان قد يقدر على الشيء ويحصل له الشيء لكن لا يناله من الله فضل به ولا بركة فيسأله من فضله. Et regardez là, c'est très pertinent. Après qu'on ait demandé à Allah Jalla wa Ala, qu'on lui demande, donc vous avez vu cette prière de consultation, vous commencez en disant oh Allah, par ta connaissance, je te consulte. Donc on commence en disant Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, par ta connaissance, je te consulte. Ensuite on dit et je t'implore, je te consulte par ton pouvoir absolu. Biqudratika. Regardez, ensuite on dit, wa as'aluka min fadlika. Et là, je te demande, en quelque sorte, de m'accorder ta grâce, de m'octroyer une part de ta grâce immense. Donc, vous avez vu, après que on consulte Allah Jalla wa Ala, après qu'on l'implore par son pouvoir absolu, par sa qudra, ensuite on lui dit, ô Seigneur, je te demande de ta grâce. Je te demande que tu m'octroies al-fadl. Al-fadl, c'est-à-dire c'est la grâce d'Allah, les faveurs d'Allah, que tu m'octroies de tes faveurs. Et là, c'est très pertinent à ce moment-là. Du fait que on implore Allah, on le consulte, qu'Allah Jalla wa Ala nous aide dans cette entreprise à choisir ce qui est meilleur pour nous. À choisir ce qui est meilleur pour nous. De ce fait, si on obtient la chose, donc regardez bien, si maintenant vous obtenez la chose, donc vous êtes dans une position, dans une situation de choix, donc vous êtes confus, vous ne savez pas quoi choisir. Donc là, vous allez choisir. Vous demandez à Allah, Jalla wa Ala, donc vous le consultez. Après que vous avez fait votre choix, lorsque vous avez l'obtention de ce que vous voulez. Mais si vous obtenez une chose qui est dénuée, exemple de toute grâce d'Allah et de bénédiction, alors il n'y aura pas de bien dans cette chose. C'est pour cela que lorsqu'on demande à Allah, on le consulte, dans cette consultation, on l'implore par son pouvoir absolu, mais aussi ensuite on lui demande de ses faveurs, de sa grâce. Pourquoi ? Parce que si ensuite on obtient par exemple la réponse, et donc on mène à bien notre projet, si ce projet-là, il n'est pas touché par la grâce d'Allah, par la bénédiction d'Allah, alors il n'y aura pas de bien dans cela. C'est pour cela, regardez qu'elle est très pertinente, cette invocation. Et lorsqu'on demande, Allahumma inni as'aluka min fadlik, je te demande de tes faveurs, de ta grâce, ça c'est très important. Parce que toute chose qui n'est pas touchée par la grâce d'Allah, toute chose dont il n'y a pas de baraka, la bénédiction d'Allah, alors elle est dénuée de tout bien. Et c'est pour cela qu'il est important de lui demander cela. فَقَالَ شَلْعَثَمِنَ أَنَا الْإِنْسَدْ قَدْ يَقْدِرَ عَلَى شَيْءٍ. Pourquoi ? Parce que nous, on est peut-être capable de choisir ensuite la chose. Mais si يَحْصُلُ لَهُ الشَّيْءٍ لَكِنْ لَا يَنَلُهُ مِنَ اللَّهِ فَضْلٌ بِهِ وَلَا بَرَكَةً. Par contre, si on a choisi une chose, et cette chose-là, elle n'est pas touchée par la bénédiction d'Allah, elle n'est pas touchée par la grâce d'Allah, alors il n'y a pas de bien en elle. Et d'où l'importance de demander cela. Ensuite, on dit فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ فَهَذِهِ الْجُمْلَ. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit ? On dit dans cette formule, car certes, tu es capable, et moi, je suis incapable. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ. Et tu as la connaissance, alors que j'en ai point la connaissance. C'est-à-dire, et tu sais, alors que moi, je ne sais pas. وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ. Et toi, oh Allah, tu es celui qui a la connaissance des mystères, de l'inconnu, de toutes les choses faisant partie de l'invisible. Allah, Jalla wa Ala, a la connaissance de tout cela. فَفِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ لَفٌ وَنَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ لِأَنَّهُ قَدَّمَ الْعِلْمِ فِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى عَلَى الْقُدْرَةِ وَفِي الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ قَدَّمَ الْقُدْرَةَ عَلَى الْعِلْمِ وَلَوْ كَانَ لَفٌ وَنَشْرٌ مُرَتَّبًا لَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ ثُمَّ نَقُولُ اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ أي الأمر الذي يريد أن يستخير الله فيه ثم يسميه بعينه خيرا لي هذا مفعول ثاني لتعلم. Donc vous avez vu ensuite, lorsqu'on a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on lui dit, car de cette manière on lui demande, car tu as la capacité, tu as le pouvoir alors que je n'ai pas le pouvoir, tu sais alors que je ne sais pas, et tu es le connaisseur de tous les mystères, de l'invisible, de l'inconnu. Ensuite on dit, oh Allah, si tu sais donc dans cette affaire qu'il y a un bien pour moi, si tu sais qu'il y a un bien pour moi. Donc, vous avez vu, on lui demande de cette manière. Donc là, il y a des sens à comprendre. Inch'Allah, on continuera sur l'explication. On terminera, Inch'Allah, l'explication de la dua, de la consultation dans la prochaine allocution, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa billahi at-tawfiq wa salli wa sallim ala ashraf al-anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ah oui, juste avant que j'oublie, un petit rappel Remarquons bien que ce soir, inshallah, on va rentrer dans les 10 derniers, dans les 10 dernières nuits, et donc les 10 derniers jours du Ramadan. Donc là, on a effectué les 20 premiers jours et on va commencer les 10 derniers jours du Ramadan. Donc là, c'est des jours qui sont immenses. C'est une opportunité, hein. Et il faut surtout ne pas arrêter ses efforts. Celui qui a fait des efforts depuis le début du Ramadan, c'est le moment de multiplier les efforts. C'est le moment vraiment. C'est des jours qui sont immenses. Ça fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est vraiment les jours où il faut s'approvisionner d'endurance et de patience et vraiment redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah. Regardez, Allah Jalla wa'ala nous a vraiment, vraiment accordé un grand bien. Allah Jalla wa'ala nous a vraiment préféré par rapport aux autres nations. Regardez, alors que les autres nations, face à ces épreuves de confinement, face à ces épreuves de pandémie, de virus, etc., on voit que les gens sont perdus. Les gens sont perdus, ils vivent dans la confusion, ils ne savent pas pourquoi ils vivent cela. Ils font des projets que pour cette vie d'ici-bas. Leur vie, tout ce qu'ils entreprennent, c'est pour cette vie d'ici-bas. Donc tout ce qu'ils vont entreprendre, ils ne voient que cette vie d'ici-bas. Pour eux, cette vie n'est pas un passage. Et ils ne veulent connaître que le bonheur dans cette vie d'ici-bas. Et ils ne savent pas que dans cette vie, la personne va connaître des épreuves, la personne va connaître toutes sortes d'épreuves et que la vraie demeure, c'est celle de l'au-delà. Donc on voit beaucoup de gens, ce bonheur, ils ne le trouvent pas. On voit que beaucoup sont perturbés avec ce qui se passe. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'épreuve d'un virus, mais demain, il y aura autre chose. Et la vie, c'est comme cela. Donc aujourd'hui, il y a cette épreuve et demain, il y aura une autre épreuve. Et on voit comment les gens ont mal vécu le confinement, alors que eux, les croyants, alhamdoulilah, sont dans un bienfait. Ils remercient Allah Jalla Wa'ala pour ses bienfaits. Et en plus, le Ramadan. En plus, avec ces jours de jeûne et de Ramadan, alors les bienfaits d'Allah Jalla Wa'ala sur la communauté de l'islam sont énormes. En plus, là, on va vivre les 10 derniers jours du Ramadan. C'est des jours qui sont immenses. Et comme on parlera dans d'autres allocutions, il y aura cette nuit du destin qu'il ne faut pas manquer. Une nuit qui est immense. Et donc, il ne faudra pas manquer. On discutera de ça dans d'autres allocutions. Dans tous les cas, on rentre dans les 10 derniers jours. Et de ce fait, là, il faut vraiment redoubler d'efforts. Et il faut remercier Allah Jalla Wa'ala qu'il ait fait de vous. Il faut qu'on le remercie, qu'il ait fait de nous, des croyants, et qu'il nous ait comblés de ses bienfaits. Fadla Jalla Wa'ala, faddalana ala kathirin minan nas, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.